bienvenue aux amateurs de rock progressif à notre rendez-vous hebdomadaire. Vous écoutez Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et mon nom est Jimmy Farley et je vais vous accompagner pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, à l'émission, nous avons Dave Kirshner des États-Unis, Rick Miller du Canada. Ça, c'est une nouveauté. On a aussi une nouveauté, le nouvel album de Rick Wakeman, qui lui nous vient d'Angleterre. Ça sera suivi de Samurai of Prague, qui est une formation multinationale. Ensuite, on aura le duo Clive Nolan et Oliver Wakeman d'Angleterre. Ça sera suivi de Flamborough Head des Pays-Bas. Ensuite, on aura Nemrud de Turquie, Taylor's Universe du Danemark, et on va conclure avec l'album Super Session qui a été enregistré par Mike Bloomfield, Al Cooper et Stephen Stills en 1968. Maintenant, on débute avec le claviériste Dave Kirshner, qu'on a connu aussi avec Simon Collins dans le groupe Sound of Contact. Dave Kirshner mène une carrière en solo depuis 2014. On lui connaît 5 albums studio, ainsi que 3 albums live et 2 compilations. Cette semaine, je vous propose la pièce Redemption. Ça, c'est extrait du spectacle enregistré à Miami en 2021. Et ensuite, je vous propose une nouveauté du Canadien Rick Miller, qui vient tout juste de faire paraître Altered State, un 17e opus en carrière. Oh, Thank you. À l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Je vous rappelle que vous avez entendu avant la pause un extrait du nouvel album du Canadien Rick Miller. Alors pour débuter le deuxième segment de l'émission, on va entendre deux extraits du nouvel album de Rick Wakeman. L'album s'intitule A Gallery of the Imagination et cet album, croyez-le ou non, est le 81e de sa carrière. Ça, c'est sans compter sa participation au groupe Yes. Alors, on peut dire sans conteste que c'est le plus prolifique claviériste de sa génération. Ensuite, on va y aller avec The Samurai of Prague et un extrait de l'album On We Sail. Ça, c'est paru en 2017. Et on va conclure avec le duo Clive Nolan, entre parenthèses, de Pendragon, et Oliver Wakeman, entre parenthèses, qui lui est le fils de Rick. Alors, ce duo a produit trois albums studio entre 1999 et 2021, et la pièce qu'on va entendre est tirée du dernier album, Dark Fables. Thank you. Thank you. this the man that they call Sherlock? They say his mind is like no other. And if you are the man called Sherlock, we'll hear this tale that's like no other. Thank you. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Pour le troisième segment de l'émission d'aujourd'hui, je vous propose une tournée géographique qui nous mènera des Pays-Bas à la Turquie jusqu'au Danemark. Alors, on débute avec Flamborough Head des Pays-Bas avec un extrait de l'album Defining de Legacy. Ça, c'est paru en 2000. Et on va poursuivre avec Nemrud de Turquie et la pièce In My Mind. Ça, c'est tiré de Ritual, paru en 2013. Et on va finir avec Taylor's Universe du Danemark. Everything. soul. The gin empowers you to regain absolute control. A flashback of some forgotten days. A thin line between illusion and reality fades. place, my restless friend. I'm going to fly one last more. Only pain. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous sommes maintenant rendus au quatrième et dernier bloc de l'émission qui, en général, est consacré à des albums classiques du rock progressif. Et j'ai choisi cette semaine un groupe qui fut parmi les précurseurs du rock progressif et j'ai nommé Bloomfield, Cooper & Stills, qui ont produit en 1968 un seul album. Il s'intitule Super Session. Alors, Al Cooper était musicien studio avec Bob Dylan et Jimi Hendrix, entre autres, et lui est à l'origine du projet Super Session. Il s'est adjoint les services de Mike Bluefield, qui est alors guitariste de Paul Butterfield Blues Band, et de Stephen Stills, qui lui œuvrait au sein de Buffalo Springfield. Alors, je rappelle que Super Session a été le seul enregistrement issu de cette coopération. Alors, il va tout de suite avec Super Session, enregistré en 1968. Thank you.

off every stitch. You do now. You got to pick up every stitch right now. You've got to pick up every stitch. Hey, hey, oh no. My shoulder, what do you think I see? Somebody looking over, over his shoulder at me, and it's strange. I know it's strange. It's so very, very strange right now. So, so, so strange. She got to pick up every stitch. Yes, she got to. Got to pick up every stitch right now. You got to pick up every stitch, people. You see the rabbits running in the ditch now. Now and then a filthy beatnik man's out to make it rich. Hey, you got to pick up every stitch, people. Oh no. Thank you. When I look out my window, so many sights to see. And when I look in my window, yeah, there's so many people to be. You know, I think it's strange, people. It's got to be very strange right now. You got to pick up. You got to pick up. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch right now. I can see that the rabbit, you know he's running in the ditch. Stone and beat, you got to make it rich. You got to pick. You got to pick up every stitch. Listen to me now. Oh, don't you know you're gonna hurt me so? I'm going to tell my mother. I'm gonna talk to my father too. What these pretty women do to you? C'était Bloomfield, Cooper and Stills avec quatre extraits de l'album Super Session enregistré en 1968. Alors avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est en direct sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et l'émission est aussi disponible sur Internet en tout temps à partir du site web SoundCloud. Je vous rappelle aussi que la feuille de route de l'émission est disponible sur notre page Facebook. Et sachez qu'en plus, je diffuse une infolettre hebdomadaire traitant de la feuille de route de l'émission et de plusieurs autres thèmes associés au rock progressif. Et pour l'obtenir, vous pouvez le faire en m'en faisant la demande en privé. Ça, c'est sur la page Facebook de l'émission. Alors, j'espère que vous avez aimé le programme d'aujourd'hui. Et c'est Jimmy Farley qui vous invite la semaine prochaine pour notre prochain